Chapitre 6e, une surprise agréable. Le lendemain, à 11h du matin, Léonce de Folfeuille se faisait annoncer chez Sir Johan Astley. Il fut introduit sur le champ. « Ma voiture est-elle prête ?» demanda Sir Johan à son valet de chambre. « Oui, Milord. »« Eh bien, partons, mon cher monsieur de Folfeuille. À propos, vous n'avez pas déjeuné, je suppose. »« Non, Milord. »« Ni moi non plus. »« En ce cas, nous déjeunerons en route. » Un magnifique landau les attendait dans la cour de l'hôtel. Ils montèrent dedans. Le cocher, qui avait reçu le mot d'ordre, fouetta tout aussitôt ses chevaux et prit la direction de Passy. De la rue de Tilsit à Passy, le trajet est fort court. Lorsque la voiture fut arrivée à mi-chemin de la rue de la Pompe, elle tourna à droite. Elle avait fait à peine une centaine de pas quand Sir Johan Astley tira le cordon d'avertissement. Le cocher s'arrêta. Il se trouvait en face d'une grille en fer dont les extrémités dorées tranchaient avec le vert sombre d'une muraille intérieure de lierre qui défendait l'habitation contre les regards des curieux. « Ouvrez vous-même, mon cher monsieur, » dit Sir Johan à Léonce de Folfeuille en lui remettant une clé. Folfeuille obéit, et lorsqu'il eut dépassé le mur de lierre, il poussa une exclamation de surprise. Il se trouva au milieu d'un petit jardin rempli de fleurs et d'ombrages, dont les massifs savamment disposés permettaient d'apercevoir au second plan la plus gracieuse des villas, construite en forme de chalet avec une véranda sur le devant. Cette bonbonnière, qui n'avait qu'un seul étage, se composait d'une salle à manger, dont la boiserie de sapin formait des encadrements contenant des vues de la Suisse et de l'Overland. Le mobilier de cette pièce était en vieux chêne sculpté. De la salle à manger, on passait au salon, un salon de campagne, tendu en crétonne à fleurs vertes, avec tous les meubles recouverts de la même étoffe. Ce salon ouvrait sur une chambre à coucher, dont le principal ornement était une jolie bibliothèque en ébène, dans laquelle il y avait une collection complète des poètes français anciens et modernes. « Eh bien, êtes-vous satisfait de votre villa ?» demanda Sir Johan à Folfeuille. Jamais le poète policier, dans ses rêves les plus ambitieux, n'avait entrevu pareille merveille. Il était si ému qu'il ne put trouver une parole de remerciement. « C'est le docteur Cavarox, » continua Sir Johan Astley, qui, pendant mon absence de Paris, et certain que vous réussiriez dans vos recherches, l'avait acheté conditionnellement, mais depuis ce matin, elle nous appartient en toute propriété. N'est-ce pas qu'il a eu la main heureuse ?»« Très heureuse, en effet, » balbutia le poète policier. « Mais savez-vous, » poursuivit le donateur, « que le grand air m'a singulièrement ouvert l'appétit, et si vous ne trouvez pas la chose indiscrète, je vous demanderai sans façon à déjeuner. Ce serait un insigne honneur pour moi, Milord. Je serai on ne peut plus heureux de traiter votre seigneurie dans le palais de fées que je dois à sa générosité, » répondit Léonce de Folfeuille. « Mais faute des objets de première nécessité, tels que batterie de cuisine, cuisinière, vaisselle, couvert et approvisionnement de bouche, je ne pourrais vous offrir un déjeuner digne de vous, à moins que vous ne me permettiez de vous mener à Madrid. On dit que l'endroit est assez bon. » « Allez au cabaret, fi donc, » repartit le jeune duc de Clodion en riant. « Tenez, vous voyez ce bouton ? J'ai dans l'idée que si vous essayez de le pousser, quelqu'un viendra nous tirer d'embarras. » Folfeuille pressa le bouton et un timbre retentit. Aussitôt, une jeune femme à la mine éveillée et dont le tablier retroussé indiquait les fonctions, accourut. « Monsieur est servi, » dit-elle en faisant une révérence au poète policier. « C'est mieux réussi que dans une féerie, parole d'honneur !» s'écria Léonce de Folfeuille, qui marchait de surprise en étonnement. Puis il ajouta en ouvrant la porte de la salle à manger. « Puisque nous sommes servis, veuillez passer le premier, Milord. » Un excellent déjeuner les attendait sous la table ronde qui, quelques instants auparavant, était vide, et Folfeuille, en dépliant sa serviette, trouva dedans un petit portefeuille en ivoire avec filet d'or. « Qu'est-ce ceci ? » fit-il. « Ouvrez-le, » lui dit le duc Jean. Le poète policier l'ouvrit sans trop comprendre. Dans ce portefeuille se trouvait à son nom une inscription de 1000 écus de rente. « Pardon, Milord, mais il y a erreur. « Votre seigneurie avait bien voulu me parler de 1500 francs de revenus, mais non pas de 3000. 1500 francs pour Maresco, oui. Mais ma fortune sauvée mérite bien, je le suppose, un petit supplément. Allez, allez, mon cher monsieur de Folfeuille. Cette inscription vous revient bien légitimement. Vous l'avez bel et bien gagnée. Et c'est moi qui reste votre obligé. Maintenant, ne laissons pas refroidir les plats, et je vais tâcher de faire honneur au déjeuner que vous voulez bien m'offrir dans votre villa. Allons, serrez ce portefeuille. » « Et la fourchette en main, mon brave !»